Chapitre 5. Les pèlerines de Kiev. Novotcherkassk. Au-delà de Nakhitchevan, plusieurs vallées aboutissent au Don. Des côtes isolées, quelques stanitsas accidentent le paysage et font oublier la stérilité du steppe qui s'étend vers le sud en nappe grise, à peine ondulée. Les bords du Don, qu'on perd rarement de vue, sont égayés par des bouquets d'arbres, des cabanes de pêcheurs et des troupes de chevaux qui vont y chercher une herbe plus fraîche que celle du désert. Mais sauf ces animaux, nous n'aperçûmes aucun être vivant. La chaleur était si grande et le pays est encore si peu peuplé que la plupart des champs nous parurent en friche. Rien n'annonçait autour de nous la présence des hommes. Chez les Cosaques du Don, comme partout ailleurs en Russie, la route de poste est à peine tracée par deux soi-disant fossés qu'on franchit plus d'une fois sans s'en apercevoir et par des poteaux de 2 à 3 mètres de hauteur destinés à indiquer les distances. Ce sont là tous les frais que le gouvernement se permet de faire pour les routes de postes impériales qui conduisent aux principales villes de l'Empire. Avant d'arriver à Novotcherkassk, la capitale des Cosaques, nous fîmes encore une rencontre pour le moins singulière que celle de nos bohémiens. Après avoir traversé un large ravin qui nous avait longtemps masqué la route, nous vîmes se déployer dans la steppe une file innombrable de petites voitures escortées par je ne sais combien de centaines de femmes sans l'ombre d'un homme au milieu d'elles. Intriguées au plus haut point, à la vue de cet étrange spectacle, plus nous ouvrions de grands yeux, plus ces femmes se multipliaient sous nos regards. Ils s'en trouvaient partout, dans les voitures, sur la route, le long du steppe, on eût dit une invasion de sauterelles tombées tout à coup du ciel. La plupart de ces femmes marchaient pieds nus, tenant leurs souliers d'une main, tandis que de l'autre, elles ramassaient des débris de bois et de paille dont il nous était impossible de comprendre l'usage. Leur voiture ressemblait pour la forme à de véritables tonneaux percés de 2 ouvertures, avec une toile grise pour couverture. De petits chevaux cosaques à longue crinière traînaient ces étranges véhicules où trônaient des cochers en béguin. Ce spectacle digne de Callot fut un intermède très amusant pour nous. Après en avoir joui tout à notre aise, il fallut pourtant aller aux informations et nous apprîmes que ces singulières voyageuses étaient des pèlerines venant de Kiev la Sainte. Dans le nombre, je remarquai quelques vieilles qui n'avaient plus qu'un souffle de vie. Elles paraissaient horriblement fatiguées, mais cependant fort contentes de leur expédition religieuse. Plus loin, nouvelle rencontre d'une autre procession semblable qui s'était déjà organisée pour son campement de nuit. Des feux, alimentés par les petites bûchettes de bois qui nous avaient tant intrigués, servaient à préparer le repas du soir. Toutes les pèlerines étaient occupées et formaient les groupes les plus variés. On en voyait qui allaient chercher de l'eau dans des vases de terre placés sur leur tête. D'autres s'agenouillaient dévotement en faisant le signe de la croix et les génuflexions si fréquentes chez les Russes et les Cosaques. Les plus vieilles entretenaient le feu en racontant des histoires. C'était un indicible brouhaha, une confusion, une variété de poses et de physionomies des plus originales. Le drogman nous apprit que toutes ces femmes étaient de race cosaque. Il règne chez cette nation beaucoup plus de ferveur religieuse que chez les Russes. Une légère différence de texte entre les bibles des deux peuples en a occasionné une très grande dans leurs croyances respectives. Les Cosaques s'appellent les vrais croyants, s'abstenant par piété de la pipe et de beaucoup de choses que les Russes se permettent sans scrupule. Leur caractère loyal est rarement entaché d'hypocrisie. Ils aiment, ils croient avec autant d'ardeur que de sincérité. À l'extrémité d'un plateau, sur le bord d'une large et profonde vallée, la ville de Novotcherkassk se montra subitement à nos yeux, embrassant dans son enceinte gigantesque plusieurs collines dont les vastes pentes descendent jusqu'au fond du vallon. Toutes les villes que nous avions vues jusqu'alors, qui nous avaient tant choqués par la largeur extraordinaire de leurs rues et leur pénurie de maisons, n'étaient rien encore en comparaison de l'apparition actuelle. Vue du point où nous étions placés, la ville entière ressemblait à un immense damier avec ses lignes formées par des avenues plus larges que la place du Carrousel. Bordées de loin en loin de chétives habitations, ces lignes se trouvaient séparées les unes des autres par de vastes terrains où des régiments entiers pourraient manœuvrer fort à l'aise. Quelques églises, un arc de triomphe élevé en 1815 en l'honneur d'Alexandre, sont les seuls points saillants de ce désert qu'on appelle une capitale et dont la superficie est, sans exagération, aussi vaste que celle de Paris. Novotcherkassk, aujourd'hui le siège de toutes les administrations des pays du Don, a été fondée en 1806 par le comte Platov, que la malheureuse campagne de Moscou a rendu si célèbre. Sa position essentiellement vicieuse ne présente aucune chance de prospérité pour l'avenir. Elle est située à plus de 12 km du Don, sur une hauteur entourée de tous les côtés par l'Aksiaï et le Tuzlov, petite rivière qui se jette dans le fleuve dont l'éloignement lui est si fatal. Platov avait choisi, dit-on, cette localité afin d'y créer une place forte. Mais ses idées n'ont pas été réalisées. Un autre inconvénient majeur pour Novotcherkassk est le manque absolu de bonne eau, privation qui force les amateurs de thé à se servir de glace fondue en guise d'eau potable. Sur la grande place de la ville s'élèvent deux immenses bazars couverts en bois où l'on trouve toutes sortes de marchandises et surtout une nombreuse collection d'équipements militaires à l'usage des Cosaques. Il y a encore un vaste arsenal, mais complètement dépourvu d'armes. Quant aux autres constructions, elles ne méritent pas d'être mentionnées, en dépit de toutes les belles descriptions qu'en donnent les géographes. Ce que Novotcherkassk renferme de réellement précieux et de tout à fait exceptionnel en Russie est un excellent hôtel tenu par un Français, hôtel où le voyageur trouve tout le confortable possible. La noblesse qui a puissamment encouragé cet établissement y a établi un casino où se donnent de nombreuses fêtes pendant l'hiver. En 1837, l'empereur Nicolas visita les Cosaques du Don, bonne fortune qui valut à cette ville l'avantage d'être dotée de réverbères. Mais ce magnifique éclairage disparut avec sa majesté et l'on nous a raconté que, dans la crainte de voir ces brillantes lanternes devenir la proie de quelque audacieux voleur, les autorités les avaient fait garder chacune par un Cosaque armé pendant le séjour de Sa Majesté. La population de Novotcherkassk, résultant de la réunion de 4 stanitsas, s'élève environ à 10 000 habitants. Starotcherkassk, l'ancienne capitale, actuellement abandonnée, ne possède rien pour attirer l'attention du voyageur, quoi qu'en dise le docteur Clark, qu'il appelle la « Venise russe ». Arrivé un dimanche dans la capitale des Cosaques, nous pûmes les fenêtres de notre appartement donnant précisément sur la seule promenade fréquentée de la ville, passer en revue la plus grande partie de la population et satisfaire une curiosité vivement excitée. Ici, tout trahit l'humeur nomade et guerrière des Cosaques. Plus de reflets de l'Europe, plus de costumes francs, plus de populations mélangées. Tout est Cosaque, excepté quelques figures kalmouks annonçant déjà les bords du Volga et le désert. Les familles de ce pays, que nous avions vues à Taganrog, nous avaient donné une assez piètre opinion de la beauté des femmes Cosaques. Aussi fûmes-nous agréablement surpris à la vue des jolies filles qui passaient et repassaient sous nos fenêtres. Le costume même que nous avions trouvé assez disgracieux nous parut tout autre et nullement dépourvu d'originalité et d'une certaine coquetterie. les jeunes filles laissent flotter leurs cheveux nattés sur leurs épaules, y attachant d'ordinaire des rubans de couleur éclatante qui leur descendent jusqu'aux talons. Quelques-unes renferment ces tresses dans un mouchoir de soie de manière à former une longue bourse. Cette coiffure n'est pas sans agrément et sied assez bien à leur physionomie piquante. C'était vraiment un gracieux spectacle que celui de cette foule nombreuse d'élégants officiers et de jeunes femmes en costume de fête se pressant sur le trottoir tout en échangeant des regards, des sourires, voire de douces paroles, tout comme ils eussent été dans un salon. Les hommes sont beaux, d'une taille élevée et portant admirablement l'uniforme. La bravoure et un noble orgueil se lisent sur leurs traits et dans leurs yeux, comme s'ils étaient encore ces fiers enfants des steppes qui, avant Catherine II, ne reconnaissaient d'autre pouvoir que celui de leur atamant, librement élu par eux. Aujourd'hui, de même qu'il y a 100 ans, leur seule occupation est la carrière des armes. Nous verrons plus loin dans leur histoire que leur organisation est encore toute militaire. Quelle fausse idée ne se fait-on pas en France de ces bons Cosaques si inoffensifs et si hospitaliers? Les événements politiques de 1814 et 1815 ont laissé dans tous les esprits un profond éloignement pour eux, et du reste il serait difficile qu'il en fût autrement. Mais tels que nous les avons vus dans leur patrie, ils méritent peu le sentiment de répulsion qu'inspire leur souvenir. Nulle part en Russie on ne voyage avec plus de sécurité que chez eux, et nulle part le voyageur n'est accueilli avec plus d'empressement et plus de bienveillance que dans leur stanitsas. Le titre de Français surtout y est une excellente recommandation. Le portrait de Napoléon se trouve dans presque toutes les maisons et fort souvent il est placé au-dessus du grand Saint-Nicolas lui-même. Aussi, les vieux soldats qui ont survécu aux grandes luttes de l'Empire professent-ils pour l'empereur la plus grande vénération, sentiment qui sont complètement partagés par la génération actuelle. Fin du chapitre 5.